je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porter plainte, tu fais l'artiste et peinte sur les murs du Tiega. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte. D'où je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porter plainte, tu fais l'artiste et peinte sur les murs du Tiega. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte. D'où je viens, on dit que tout peut s'y passer. Tu peux toucher le sommet et demain te faire repasser. D'où je viens, c'est brutal et crapuleux. Amical et fabuleux, au gré des honoraires du baveux. D'où je viens, on donne du respect à celui qui ramasse. Mais la cité est à marécage de piranha. C'est la marée basse, il remonte une odeur de cadavre. Ma caille, c'est la cam qui fait que la zone est macabre. D'où je viens, on n'aime pas la hagal, fils. En 10 jours, c'est 3 fusillades et une victime. C'est vrai que tout va très vite. D'où je viens, un gros cube, une arme. Et ton âme, si radique, c'est radical. Renoir, tu crois ma chute tard, le faucon noir. Mais d'où je viens, les rats seront bientôt les rois. Il fait la couronne sur le trône du rap français. J'ai autant d'amour dans le cœur que j'ai de rage dans les veines. C'est l'Antarctique spirituel, négro c'est danger. Notre richesse c'est un mélange de Bamako et Tanger. D'où je viens, ça t'écale en Espagne pour le Dallas. En espérant y prendre du soleil ou du taka. Que de la prise de risque et des pneus qui crissent. On prend la fuite au bruit des sirènes de police. D'où je viens, c'est aux flics qu'on dit d'aller se faire foutre. On se lève au bruit du vroom vroom du 2,5 à doudou. Boule dans la gorge, rage de beat boule. D'où je viens, tu prends de la ciguë pour du chouette, ça grume. Les gorilles dans la brume sont dans la jungle. D'où je viens, c'est vers balistique, balistique, bang bang. En mode XBL au gang, c'est la guerre des gangs dans la street. D'où je viens, on se bute des couilles pour 50 euros la vitrine. Vos malheurs me navrent le cœur. D'où je viens, ça ne parle que de meurtre. Car c'est sur une vague criminelle que je surfe. Le chef d'orchestre, c'est l'arrogance. Dieu n'abandonne personne, même dans la pire des souffrances. D'où je viens, des vies en brasse de jean comme Alien et Willow. Je souhaite à personne la cellule avec un mal de Chico. D'où je viens, que des mythos, des complots, des coups bas, des drames et des sanglots. Après la rafale de Scorpio, le corps bien bâti et les couilles bien roses. Tout part d'un hangar jusque dans le coffre d'une voiture, les faux. Voilà, mec. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Quoi? D'où je viens, on parle pas comme ça au portable. Au palais de justice, c'est des crises de larmes épouvantables. Si j'aime l'oseille, c'est pour sentir l'odeur du cuir neuf du véhicule. D'où je viens, on a tellement vécu, on vieillit plus. On a plein de fringues, d'où je viens, on a plein de flingues. Spectateur d'un travail à la pompe quand tu mets le plein. D'où je viens, la diaspora d'Afrique est divisée. La cible, c'est le genre, si difficile à viser. La haine a teasé, pour moi c'est tout con. Me dis pas que tu perds tes couilles devant le sac du fourgon. On se crève pour le terrain, les frères s'achèvent. Le trésor caché se trouve dans la mort, on s'achète. Des sœurs portent le hijab, d'autres sont bafoués à tel eau. D'où je viens, la thèse rêve de la fortune à Pablo. La vie est belle comme un arbre plein d'oiseaux. Pas de ghost rider, gros, c'est des rimes en foison. Immunisés au poison de la jalousie. D'où je viens, nous t'écrasons. Tu te crois plus fort que ma team. Tu peux bébé gay au guido, tu ne peux pécan car tu veux guéguer l'art. Les CG, mais moi je te dis guéguer. D'où je viens, on n'oublie pas la douleur de la chair à canon. Mort sur le champ d'honneur sans galon. D'où je viens, nous pleurons des phares partis sur une moto. Comme le petit Karim, Ugur, Ali et Enrico. Accro du bifton. D'où je viens, on se méfie des blondes. Elles ont du charme et elles peuvent t'affaiblir comme King Kong. Bibu, Sissi, El General et Chico. D'où je viens, c'est d'où tu viens. Donc partout c'est la même. Tous les HLM, toutes les banlieues, négro. C'est la rage de la rue, derrière un micro. Dans des thématiques modèles, ceux qui savent. Oui. D'où je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porter plainte, tu fais l'artiste et peinte sur les murs du Tiega. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte. D'où je viens, c'est clair, c'est dingue. C'est la loi du talion pour le plus gros flingue. Sans porter plainte, tu fais l'artiste et peinte sur les murs du Tiega. On recolle pas les morceaux quand l'amour est s'écarte.